Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Sa terre, l'Angleterre était le roi Dominique Nompère. Combattit les Albigeois, c'est un jour un hérétique. Par des ronces le conduit, mais Nompère Dominique, par sa joie le convertit. Méchamment une diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans le Sainte Pauvreté. Sous le manteau de la Vierge, en grand nombre rassemblé. Dominique, mon beau-père, garde-nous simple et gai, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Enflammant de toute école, fils et garçons.